danse impro. Ça donne chaud. Allez, écoutez bien le jingle. On va le refaire. C'est ça le jingle. Voilà, bonjour. On a quelques petits soucis techniques, ça commence déjà, ça part en larcène. Voilà, vous êtes bien sur France Impro, on a quelques minutes de retard, on est désolé. Et on est ici avec Montag, je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux dans les studios d'éphémère. On est 5, 6, on est 7, 2 à la technique, on s'en débatouille. Pas de son. Et 5 musiciens. Donc je vous présente ce matin Montag, merci à vous de nous écouter. Et tout de suite le jingle par Montag. Merci Montag. Bonjour. Bonjour Montag. Bonjour. Salut. Alors, salut. Du coup, Montag, alors qui c'est Montag? On a Christine Anquin, salut Christine. Bonsoir. On a Samuel Cruson, pardon, Samuel Cruson, salut Samuel. Bonjour Youssef. Michael Le Guillou, salut Michael. Salut. Pascal de Monsens. Bonsoir. Et Jamil Valo. Guten Tag. Guten Tag, Jamil. Alors, peut-être ce que vous dire un peu, je sais pas, au niveau des instruments. Alors, on a Christine qui joue percu principalement, Samuel guitare, acoustique du coup. Tout à fait. C'est ça. Alors, Michael à la contre, Pascal du coup c'est une clarinette basse. Tout à fait. Et Jamil à la trompette. C'est ça. Jean-Michel me confirme que ça a l'air Jean-Michel, pas mal. Jean-Michel, écoutez. Hein. Jean-Michel, Jean-Michel quand même. On sent que ça peut partir à tout moment. Aussi. Alors Montag, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Alors, Montag, ça a commencé fin 2013, si mes souvenirs sont bons. C'était un peu dans le prolongement d'un atelier de musique improvisée qui était fait à Musical, avec Marc Demereau. Mm-hmm. Donc quelques membres du groupe avaient suivi cet atelier, puis il y avait l'idée de se retrouver régulièrement pour continuer à explorer cette forme de musique-là. Et on s'est finalement assez rapidement vu quasiment toutes les semaines. Les lundis, d'où Montag. Exact. Ah, mais j'avais pas capté. Eh ouais, c'était okay. Le rendez-vous du lundi. C'est le rendez-vous du lundi. Et on s'appelle toujours Montag et on joue plus le lundi. Jamais. Et puis voilà, finalement, on s'est pris un peu ce rendez-vous-là. Il y avait le côté apéro, pizza, musique, quoi. Un peu. Et puis voilà, ça continue depuis 3 ans. On continue ce rendez-vous-là. Au début, on a été jusqu'à 8. Mm-hmm. Et puis maintenant, on est toujours 5. Ok. Voilà. Super. Depuis le début. Vous pouvez peut-être me parler un peu du coup de ce premier rendez-vous, du coup, qui a été. Celui que vous avez tous pris du coup à Musical avec Marc Demereau dans ses ateliers de musique inclassable. Yes. Ouais, c'est pas tous du coup. Ouais. Enfin, je sais plus, on y était tous les trois. Ouais. Toi, t'es jamais venu, Christine? Non. Toi, t'es venu une fois, Mika, et puis. Ouais, t'étais par là. Deux, quoi. Ou deux fois, t'étais à Musical. Ouais. Moi, je suis arrivé enfin, en août. Après, aussi, c'était. Voilà, dès le début de l'année, je suis arrivé en janvier ou quelque chose comme ça. Certains d'entre nous ont suivi cet atelier ensemble. Parle dans le micro, oui. Et puis après, c'était des copains autour ou des. Voilà. On n'a pas tous fait cet atelier ensemble. D'accord. Mais mm-hmm. quand même, ça nous a lancé un peu, certains d'entre nous. Ce qu'il propose Marc Demereau, c'est sympa. C'est un atelier qui permet un peu de déconstruire aussi toute l'approche musicale qu'on a pu avoir. Donc, lui, il part direct sur la contrainte, pas de rythme, pas de mélodie. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est l'évolution que nous, on a eue. Quand on a commencé, on est resté vraiment très emprunté de cette marque-là où même on s'interdisait à faire des choses un peu mélodiques, un peu rythmiques. Et puis là, petit à petit, on y revient aussi et enrichi de tout ça, quoi, je pense. Donc on déconstruit la déconstruction. Enfin, bon, ça devient un peu complexe, là. Vous reconstruisez après l'irruine, quoi. Vous développez votre propre approche, est-ce qu'on peut dire? Exactement. Ça si tout à fait, Youssef. Et puis on écoute, enfin on vient pas vraiment de la musique improvisée, aucun d'entre nous, je pense. Enfin, on a différentes histoires par rapport à ça, mais c'est plus du coup l'atelier de Marc, ça nous a fait découvrir ça plus un peu plus, mais on se nourrit plutôt d'autres trucs, enfin beaucoup d'autres trucs, il me semble. Ouais. Mais comme c'était une expérience assez intéressante, on a voulu le prolonger et ça peut aussi apporter des choses dans les musiques qu'on peut faire à côté, côté improvisé ou free entre guillemets. On peut intégrer de ça dans d'autres trucs que nous on peut faire. Quoi. C'est une pratique nouvelle pour vous ou c'était déjà quelque chose, les musiques improvisées qui étaient familiers ? Moi j'ai découvert ça, pour ma part en tout cas, carrément avec cet atelier là. Avant ça, le free ou la musique improvisée pour moi c'était un truc... difficilement écoutable, mais après le fait de commencer à en jouer, probablement que ça ouvre un peu l'esprit. C'est peut-être plus facile de rentrer là-dedans en le pratiquant et après de l'écouter. Mais non, c'était quelque chose, en tout cas pour ma part, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Quoi. C'est un message pour les auditeurs que tu veux passer ? Prenez un marteau, tapez sur votre piano. Après. Ouais, ça peut être ça, ou ça peut être aussi. On peut s'y mettre aussi à. En écoutant, en étant assez ouvert. Hein. C'est pas, on n'est pas obligé de passer par le faire pour l'aimer, quoi. Voilà. Mais ça aide bien. Mais ça aide bien, ouais. On comprend d'autres choses. Ouais. Mais je crois que ouais, c'était un peu nouveau pour tout le monde, hein, depuis 2-3 ans. Je sais pas s'il y en a qui avaient déjà fait de la musique impro avant, mais... Un petit peu, ouais, quand même, moi, mais... Mais voilà, enfin, pas de manière comme ça suivie. Enfin, ça m'est arrivé ponctuellement, ou sous d'autres formes, mais c'est vrai que... C'est assez agréable d'essayer ça sans même sans avoir cette culture, quoi. Tout le monde peut le faire, de n'importe quelle musique que tu viennes, tu peux jouer ensemble si tu te lâches un peu, ça prend un peu de temps, réussir à... Ça prend beaucoup de temps, ouais. Le lâcher prise. Ouais, c'est ça. Et alors nous, en plus, on a un côté un peu casanier, parce qu'avec cet esprit de labo, on n'était pas forcément dans une démarche de jouer devant du monde. Donc, nos sorties ont été assez rares. Lesquelles ? On avait joué la sortie. On a fait une petite sortie dans le sous-sol de la pizzeria Belfort. À 8, du coup. Et c'était déjà il y a 2 ans, ça. Donc, voilà. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'étais très intéressé de vous inviter. C'est que vous êtes un collectif, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, un collectif de musiciens qui pratiquait l'improvisation libre et qui ne joue que très rarement en public. Donc là, c'est la deuxième fois. Donc là, je pense que vous avez la plus grosse ambiance ce matin. Mais ça va changer, ça va changer. Sorti labo à la maison. Gros coup de projecteur ce matin sur Montag. Voilà. On va écouter un morceau. Alors du coup, je ne sais pas qui l'a amené. Silver Mount Zion. Tu veux qu'on écoute un morceau maintenant ou... On va écouter un petit morceau et puis après, on va peut-être parler un peu de vos parcours musicaux et puis de vos influences. Et puis après, on vous laisse jouer en public. Ça marche. One, two, three, four, five, six, seven, eight. pas mal du tout, ouais. Nous sommes avec Montag lundi, nous sommes samedi, vous êtes sur France Impro. Et Samuel qui nous a proposé ce morceau, A Silver Mount Zion, tu peux nous en dire deux, trois mots. C'est un morceau, attention, je vais dire le titre, il est long, ça s'appelle So Some Round Some Corner, So Many Flowers Bloom. Oh, t'as un anglais incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un groupe qui vient, je sais pas du tout ce que ça veut dire, c'est un groupe qui vient du Canada, et là c'était sur l'album This Is Our Punk Rock. Okay. Pas mal l'accent, hein. Donc, moi, ce que j'aime bien dans ce morceau, c'est qu'il y a un côté assez, assez lancinant, ça prend le temps, une tourne assez simple au niveau musical. Et c'était la version courte, là. Ouais, voilà, ouais. Effectivement, dur, hein. C'était un extrait, normalement, il fait 16 minutes et quelques, là. D'accord. Donc là, c'est une première partie du morceau qui était assez vocale, voilà. Après, ça part un peu en univers bizarroïde. Sans voix, et puis les voix reviennent, enfin bon, c'est assez écrit, mais en même temps ça peut des fois se rapprocher de ce que nous il peut sortir dans une impro, c'est-à-dire un truc qui prend le temps avec parfois des voix, enfin du coup c'est une forme d'influence en fait, je trouve, en tout cas pour moi, ce type de musique rock, électro, progressif, quoi. D'accord, super. Eh bien, on va vous laisser jouer. Vous êtes là ce matin pour ça. Vous qui les écoutez, bah, vous avez la chance d'écouter Montag. Ils sont très, très rares. C'est une petite perle. C'est pour vous ce matin, Montag. Juste pour vous, éphémère. Ils sont cinq, c'est ça. Je n'ai pas la voix de chupette, mais... Thank you. Thank you. Vous êtes sur France Impro. Merci Montag. Merci. Merci à vous pour cette écoute. Merci France Impro. Christine Amquin à la percussion, Samuel Crusson à la guitare, Michael Le Guillou à la contrebasse, Pascal Demonson à la clarinette basse et Jamil Valo à la trompette. Voilà, donc on vient d'écouter Montag en direct sur Éphémère. Moi, j'avais envie de continuer peut-être à faire un petit tour de table, peut-être, et voilà, parler un peu des influences de chacun, peut-être des parcours aussi de chacun. Je sais pas, Jamil, je trouve ça. Oui, donc moi j'ai commencé au conservatoire, la musique classique, la flûte, le basson, quoi, ce genre de choses. Non, plus sérieusement, pour faire vite. Moi je te croyais. Oui, moi pareil. Ouais, mais. Peut-être le ton. Conservatoire, moi pas trop. Oh, ça va. Non, pour faire vite, en gros, je pense que j'ai commencé la musique, à écouter vraiment de la musique, tout ça, avec. Dans les années 90, avec le grunge, Nirvana, des choses comme ça. J'ai un peu. Donc, je suis resté dans une ambiance, quoi, dans un truc très rock, néo-métal, métal, des choses comme ça. J'ai même joué dans un groupe comme ça. J'étais bassiste à l'époque, il y a 15 ans. Voilà. Puis après, je suis passé par une grosse phase reggae. Ah, donc, je t'attendais là-dessus. Ouais. J'ai aussi joué dans un groupe de reggae comme bassiste. Tu nous l'apprends. Voilà, je vous l'apprends. Mais vous avez toujours des choses à apprendre de moi, les gars. C'est pas fait, ça fait des années qu'on se connaît. Mais et puis, je me suis mis, en fait, à écouter, on va dire, du jazz et des musiques un peu autres que ultra commerciales, on va dire, ou très, très facilement écoutables. Quand je suis arrivé à Toulouse, plus ou moins, quoi, il y a 7 ans bientôt. Et je me suis aussi mis à la trompette il y a 7 ans, quand je suis arrivé à Toulouse. Voilà, donc après, j'ai ouvert un peu mon panel d'écoute musicale. J'écoute quasiment de tout, en fait, maintenant. Mais beaucoup de jazz, moins de rock, vraiment beaucoup moins de reggae aussi. Je sais pas, peut-être l'âge, peut-être qu'on devient des vieux cons, et qu'on renie... C'est une hypothèse. qu'on renie ce qu'on aimait quand on était plus jeune. Enfin, j'aime toujours, mais j'écoute beaucoup moins. Quoi. D'accord. Voilà. Okay. Donc je suis passé par plusieurs instruments aussi, quoi, la basse, la batterie dans un groupe aussi, à un moment donné. À la trompette principalement. Voilà. Merci Jamil. Bah de rien. Pascal. Pascal. Du coup, moi, pareil, j'ai commencé classique et puis faisant de la clarinette, j'ai découvert d'autres musiques ou cet instrument. Donc là, de la clarinette, la si bémol, ou des musiques traditionnelles où cet instrument, je trouvais, prenait plus d'ampleur au niveau du son, de l'expression, expressivité. C'est pas que pour ça, mais disons que voilà, j'écoute. Ça m'intéresse beaucoup les musiques populaires, traditionnelles, de plein de coins, pour que je rapproche par certains côtés, pas de la musique improvisée exactement, mais il y a quand même une liberté, pas de la même manière, dans une structure bien précise, mais d'expression quoi, dans ces musiques-là. Puis j'écoute plein d'autres trucs. Mais, peut-être tu peux dire un petit mot, tu joues avec Sex, Drug and Rebetiko, voilà, c'est ça. Un groupe connu ici à Toulouse. C'est connu à Toulouse. pas que à Toulouse. Non, hein. Jusqu'à Albi. Jusqu'à Albi, voire. Ouais, donc dans ce groupe, je fais plutôt de la clarinette. Mm-hmm. La clarinette basse, en fait, je la joue peu, mais j'aime bien du coup cette fraîcheur quand je joue avec Montag aussi, de sortir cet instrument. Comme j'essaye de jouer beaucoup d'instruments, je peux pas tous les travailler à fond. Donc la clarinette basse, voilà, c'est un peu le côté musique improvisée, puis ça permet quand même pas mal de trucs. Donc j'aime bien jouer cet instrument avec le groupe. Super. Michael. Qui est accroupi parce que du coup. Moi je fais de la musique depuis tout petit, je suis passé par plein d'instruments aussi. À commencer par la flûte à bec, très important. Et je suis passé par la clarinette aussi, mais toujours pareil en école de village, formation un peu classique. Puis par la guitare en apprenant avec des copains et la contrebasse maintenant ça doit faire 5-6 ans que j'en fais. Et après, pour la musique que j'aime, c'est assez varié aussi. Mais j'aime le blues bien terreux, bien crasseux. J'aime l'énergie rock, punk. Et certains jazz. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'emmerdent profondément aussi. Et quoi encore? Plein de trucs. Je suis ouvert. Des trucs que j'aime que je sais pas ce que c'est aussi. Et la musique tribale aussi, j'aime beaucoup la musique tribale. Tu en joues? Est-ce que tu as des projets qui vont dans ce sens-là? Bah mon tag, hein, c'est en... Ouais, Tracteur, très tribal, j'ai entendu parler de Tracteur. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tracteur, ça c'est très écrit pour le coup. Et c'est bien énergie rock aussi. Alors moi je mets pas trop d'étiquettes dessus parce que ça... Enfin rock, ça me suffit. Et ça c'est donc très écrit avec batterie, accordéon, violon, guitare et... Moi j'ai entendu parler un peu de la distribution, ça a l'air pas mal. Donc, Xavier de Sec à la batterie, ouais. Jean-Baptiste Desmal au violon, ouais. Qui a joué il y a pas longtemps, bon, il était la semaine dernière à la CAFPO là sur l'hommage à Ferré. À Ferré, ouais, c'était chouette. Et qui d'autre du coup? Simon Barbe peut-être? Simon Barbe, accordéon, il fait des claviers aussi. Alix Carrier à la guitare et Bouzouki. Ah, qui jouait du coup avec... qui jouait dans Corde Corps avec, avec aussi JB et son frère Vincent. Mais là, il est peut-être en train de devenir papa tout de suite à Alix, si tu nous entends. Oh, c'est beau l'amour. Et ça, donc, c'est très très écrit, mais on peut retrouver cette transe aussi. Voilà. Super, merci. Michael, donc Samuel... Tu nous as dit un petit mot, peut-être que tu peux compléter, je sais pas. Ouais, moi j'ai commencé par de la batterie en cours, après j'ai fait de la guitare, approche un peu autodidacte, et avec l'idée assez rapidement d'avoir plein de morceaux dans mon répertoire et de faire chanter les gens, ce qui, quelques années plus tard, m'a amené à en faire un métier. J'officiais voilà, sous le doux sobriquet de Samy Jukebox, principe du jukebox vivant. Tu parles soit à la demande. Tu parles au passé. Oui, c'est lui, il est là. C'est la deuxième fois que ça me fait ça éphémère. Et tu parles au passé? Mais disons que c'est. Ouais, c'est. Ça peut rejaillir à tout moment, mais disons que là, c'est pas trop d'actualité en ce moment. Ouais. J'ai fait une pause d'un an, là, j'ai refait une petite sortie autre chose. Tu peux expliquer peut-être le principe de Samy Jukebox? Le principe, c'est de faire chanter les gens. Ça, c'est à peu près la base. Ça commence par un petit quiz musical. Et après, les gens ont des carnets de chants. Ils choisissent n'importe quelle chanson. Ils sont amenés à chanter. Et puis, ça fait un bar entier qui chante. Voilà. Il y a un micro pour les plus courageux, les plus téméraires aussi. Et voilà, après, c'est chant, guitare et grosse caisse au pied. Harmonica de temps en temps. Ouais. C'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll un peu dans l'esprit, c'est un peu à l'arrache, c'est suffisamment en place pour pouvoir être à l'arrache, quoi. Donc y a aussi un peu d'improvisation dans l'organisation de la soirée, quoi. Et sinon, j'ai joué dans un duo folk avec la chanteuse Fanny Dublé. On s'appelait Naked in the Sea. On faisait des reprises de morceaux électro, rock, années 80 en folk. Voilà, et puis voilà. Et bien, c'est déjà plein de choses. Les influences, ouais, c'est très rock pour moi, rock, folk et le côté effectivement un peu lancinant, répétitif de l'électro et le rock électro du coup. Okay. Voilà. Okay. Merci Samuel. Christine. Oui, c'est moi. Alors moi j'ai commencé par faire du djembé au lycée. Bravo. Oui. Comme quoi, voilà. On les imagine, ils sont autour du feu avec le pack de cours. C'est ça. À Toulouse, il y a des panneaux, hein, parfois. Il y a des panneaux, je vois. Mais c'est pour ça que j'ai changé d'instrument aussi. Je sentais que c'était plus bienvenu et que le joueur de djembé était pourchassé. Et on n'en parle pas assez aux infos, d'ailleurs. Et donc le djembé, ça a été... j'ai appris avec des copains qui faisaient de la batterie en cours. Donc voilà, ils m'ont appris des petits machins, les... Papa, maman. Voilà, après j'ai eu un peu des congas. Mais en gros, ça n'a pas été très très sérieux la percu. Avant mon tag? Un peu avant ça encore. Mais disons que oui, jusqu'à mes 30 ans, c'était un truc que j'aimais faire. Mais j'avais eu deux tout petits groupes amateurs, tout ça. Et je pense que c'est autour des 30 ans où il y a eu du théâtre qui est rentré, il y a eu plusieurs trucs. Et du coup, il y a eu le début de la bidouille musicale. Il y a eu la découverte de la musique improvisée. Bon, à part, c'était plutôt avec Samy d'ailleurs, j'ai découvert ça. On a eu, tu n'en as pas parlé, je vois ça. Mais c'est vrai. Je le prends un peu mal. Je te laisse en parler. Il l'a caché. Un duo, je dirais pas morné, c'est un peu violent, mais. Qui s'appelait c'est Error. Bien. En même temps, il contenait sa propre destruction. Mais n'empêche, on a commencé à bidouiller, voilà, des trucs improvisés, pseudo électro bidouille, tout ça. Et finalement, c'est Montag qui a pris la relève quelque part, pour moi en tout cas. D'un côté, et de l'autre côté, un projet de théâtre qui s'appelle Hortense. Et où du coup, pendant 3 ans, moi je faisais, j'avais mes petites machines, mes petites percus et plus tard une mandoline pour faire de la bande-son improvisée de théâtre. Improvisée. De théâtre improvisé. Voilà. Hortense bientôt, je crois, à la CAFPO. Hortense au mois de mai. Mois de mai. Pour un cabaret présidentiel. Ah. Électoral. Oh, la bonne idée. Ouais. Génial. Ça. Super. Et voilà, nous allons annoncer les résultats. D'accord. Incroyable. De manière improvisée ou En partie. Est-ce que vous aurez les résultats des sondages avant? Vous pouvez commander. Les résultats, de fait, on ne peut pas trop les, voilà, les deviner. Moi, souvent, les sondages, ça ne marche pas terrible. Non, non. C'est ça. Petit clin d'œil. On va écouter un morceau du coup que Pascal nous a proposé. Et ensuite, tu as peut-être une lecture à faire, Jean-Michel. Ça peut être ça, Liquanine. Ah. My smile is stuck. I cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see. I cannot go back to your land of gloom where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my own land. Take my hand and come with me. It's not too late for you. If it's not too late for me to find my homeland, where man can stand by another man without an ego flying. With no man lying and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn and the beggar learn and the little girls that live in those old worlds take my kind hand. My smile is stuck. I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. Ce n'est pas tant les mains qui tendent la nouveauté que d'écouter à chaque fois d'une oreille neuve. C'est l'effort d'être sans mémoire, ou bien plutôt de consentir à la mémoire pour tenter un saut ailleurs. Je ne crois pas qu'on fasse quelque chose de neuf, c'est dans l'air. Il y a des connivences avec des vibrations particulières qui bougent comme une masse d'air. Se contente de renouveler ses chaque respiration pour continuer de vivre. Se rassembler pour développer les moyens de ce renouvellement est encore la seule solution qui permette d'une part de rire et d'autre part de vivre l'expérience de nos intuitions artistiques. Voilà, Jean-Michel nous a fait part d'une lecture. On avait commencé un peu à prendre ce rendez-vous avec Liquanine, donc du coup qui a sorti ce bouquin il y a quelque temps, Abécédaire d'une expérience improvisée. Donc c'est un bouquin qu'on peut se procurer via Internet, bien en fait. Bien. Voilà, on avait commencé à l'abécédaire, donc c'est un abécédaire A comme B comme, etc. On en était arrivé à la lettre E, et puis comme on n'est pas forcément... Donc, lui, c'était la lettre N, c'était le mot 9. 9. Je redonne le micro à Jean-Michel pour l'agenda des sauvenophages. Et entre-temps, peut-être, Pascal, tu peux nous dire un tout petit mot sur le morceau qu'on vient d'écouter. Bon, si je dis pas de conneries. Pardon, faut que tu la renfages. Ouais, le micro n'était pas branché. Ouais, donc c'était Captain Beefheart, un disque de 1969. Et bon, c'est le morceau qui ouvre le disque, qui est très court. Faut écouter plutôt l'ensemble du disque, mais j'aime bien. Ouais, ce rock and roll. Rock and roll, c'est un mélange de code du rock and roll avec un truc aussi de tonalité, enfin de je sais pas polytonalité, je sais pas comment on appellerait ça, mais entre impro et puis rock'n'roll, et un disque assez particulier, mais je recommande. bien. La radio, c'est bien, mais il y a aussi des concerts. Et donc, à l'agenda des sonophages, le mois qui vient, il y a beaucoup de choses. À commencer par du 30 novembre. Est-ce qu'il y a des choses avant le 30 novembre dans vos connaissances qui ne seraient peut-être pas dans l'agenda, tout d'abord? Non. Sûrement, hein, mais... Très bien. Parce qu'il me semblait qu'il y avait des trucs le 27, non? Demain, je ne sais plus. Bon. Alors, du 30 novembre au 2 décembre, il y a session d'improvisation, composition instantanée. Ah, mais non, mais c'est pour ça, tu m'as mis sur le mois de décembre, là. Voilà. Attends. Je crois qu'il y a un truc le 27, que je ne me trompe pas. Allez, on sort les agendas et on note. Voilà. Le 27, voilà, il y a un concert de musique improvisée, Momento Trio. C'est Dominique Regev à la vielle à roue, Mathieu Verchowski au violon et Caroline Aigremy à la voix. C'est à Espace R, c'est à Saran, dans le Gers, si je ne m'abuse. Je dois jouer Ferran, il y a 15 jours, quand j'arrive ici. Très belle émission, ouais. D'ailleurs, qui est sur Internet, sur le site franceimpro.net, vous pouvez l'écouter. Le 29, il y a le son de jazz Miles Davis Phonics à la cave Poésie. C'est par l'association Mandala Bouge. C'est le 29 à 21h à la cave Po, donc. Du 30 novembre au 2 décembre, il y a des sessions d'improvisation instantanées par la compagnie Emmanuel Grivet qui va inviter des danseurs, des performeurs, des musiciens de Toulouse, Lyon, Paris, Montpellier. C'est de 17h à 18h30 chaque soir entre donc le 30 novembre et le 2 décembre. Donc ça tourne aux feuilles, ça semble intéressant. Ensuite, au mois de décembre, c'est compliqué cette histoire, il faut changer de mois là. Voilà, on y vient. Non. Le 1er décembre, il y a performance Baiser de sang au Caméléon à Saint-Cyprien. C'est Laurent Avizou qui organise, donc il y a à la guitare, donc aux objets et aux loops, il y a Laurent Avizou. Au texte et à la voix, il y a Maude Kérol Ferrer. C'est à 20h30, donc au Caméléon, le 1er décembre. C'est un jeudi à 20h30. Le 10 décembre, il y a Niboul et groupe 4. C'est deux concerts, donc. Niboul sous le pavé, donc c'est un duo. Bertrand Fraisse, percussion, voix. Et Julien Ginès, saxophone, drone electronics. Je ne sais pas ce que c'est, drone. Ils jouent des drones, ces gens-là. C'est un genre. Donc c'est Niboul. C'est au Théâtre du Pavé. C'est suivi du groupe 4. C'est du théâtre. Jean-Luc Guillonnet, David Chiesa, Lionel Marchetti et Didier Lasserre. Donc saxophone, contrebasse, revox et percussion, respectivement. C'est des gens de Bordeaux, si je ne m'abuse. C'est au Théâtre du Pavé, tout ça. C'est le 10 décembre. C'est le soir. Il n'y a pas l'horaire, mais j'imagine que c'est autour de 20h. Entrée 14€, etc., etc. Donc c'est dans le cadre du Pavé dans le Jazz. Il y aura des infos probablement par le site du Pavé dans le Jazz également. Le 12 décembre, il y a un duo. Belorukov-Garcia. Donc Miguel Garcia. Tu connais ces instruments-là? Moi non plus. Donc c'est de Bilbao. Et puis Ilya Belorukov, qui est saxophoniste. Qui vient de Saint-Pétersbourg en Russie. Donc, c'est présenté comme une musique grouillante et prenante, de son brut et finement travaillé, etc., etc. Donc, ça paraît extrêmement intéressant. C'est à 19h au Caméléon, prix d'entrée libre et nécessaire. Concert le 15 décembre aux abattoirs, Hakim El Maratchik et Toziti. Donc, c'est un duo. Maroc hypnose arabe, batterie bloc silence, 19h30 aux abattoirs. Donc ça paraît rigolo. Le 15 décembre. Encore le 15 décembre. Alors là, on attaque deux jours de festival. Ça se passe au Théâtre du Ring. C'est programmé par Sébastien Sirotto. Il y aura une émission spéciale ici à chez FMR, donc dans le cadre de France Impro, le samedi matin à 10h le 10 décembre. Donc avec Sébastien et plein d'invités. Hein, Youssef, tu me confirmes ça? C'est ça. Tu seras là aussi. Voilà, plein d'invités surprises. Donc, il y aura une très belle émission encore le 10 décembre. Donc, c'est la prochaine dans deux semaines. Et c'est dans le cadre du festival Noise. C'est la sixième édition de ce festival. Donc, il commence le jeudi 15 décembre à 20h30 avec trois concerts Prune, Béchot, Tripe et Poil. Voilà, c'est du violon baroque amplifié. Alex Mendizabal, c'est des ballons trompes en plastique haut, etc. Et Antoine Chessex, saxophone amplifié. Et ça se poursuit le vendredi 16 décembre à 20h30, toujours au Théâtre du Ring, avec Piac, Florian Nastorg, Julien Ginest et Bertrand Fraisse, donc saxophone, saxophone et batterie, percussion. Et ensuite, il y aura le groupe Cartouche, Eric M, platine CD électronique, et Natacha Muslera à la voix. Donc c'est un festival à ne pas rater sur deux jours, jeudi et vendredi, les 15 et 16 décembre, à 20h30. Voilà, et puis pour le reste, on va le dire quand même, c'est le 16 décembre et le 17 décembre, il y a une performance qui s'appelle Tarkos se promène. C'est au Théâtre du Hangar, donc c'est rue des Cheminots, hein, c'est un super endroit le Théâtre du Hangar, il s'y passe plein de choses intéressantes également. Et voilà, pour le reste, on reviendra le 10 décembre pour dire la suite. Et c'est bientôt la fin de l'émission, je te laisse la parole. C'est ça, c'est bientôt terminé, donc c'est France Impro. Il faut savoir que l'émission elle-même est improvisée et parle et évoque la musique improvisée, tout ce qui est improvisé. Donc, on le vit bien, hein, ça passe très très vite une heure. Hein, c'est clair. C'est toujours très, très étonnant. On va finir en improvisation. En fait, on va finir en improvisation. Mon table, on n'a rien à écouter sur Internet. Pas encore. Bientôt. Bientôt. Ah. Non, c'est déjà. On a un SoundCloud. Nous le découvrons. On a un SoundCloud. D'accord. Il faut taper Montag Toulouse, tout attaché, sur le site de SoundCloud. SoundCloud. Donc, il y a 4 morceaux okay. qui sont plutôt récents, quoi. Ils sont plutôt improvisés. Bon, ça, c'était un peu l'idée de Montag, mais d'accord. c'est des trucs plutôt récents, là, des 2-3 derniers mois. Voilà. Ok, ok, ok. Eh bien, cette émission sera podcastée sur France Impro. Alors, sur Google, c'est simple, vous mettez France Impro, tout attaché. Peut-être vous pourrez ajouter Toulouse. Et là, vous tombez sur le site de l'émission, donc qu'on pourra retrouver celle-ci, hein, voilà, la dernière. Et également les références des morceaux qu'on a écoutés et du coup l'adresse de votre site, ça permettra du coup à nos chers auditeurs de pouvoir vous écouter. Du coup, c'est un enregistrement qui est déjà fait ou qui C'est des enregistrements de répète, de session. Ouais. Ok, d'accord. Bah, super, on a hâte d'écouter ça. Voilà, bah merci de nous avoir écoutés. C'était France Impro avec Montag, ça veut dire donc lundi. Et on se quitte en musique. Alors du coup, je ne sais pas trop comment on va ça. On a 3 minutes à peu près. Oh, je pense que vous êtes peut-être un peu plus. En fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Parfois, il y a des émissions qui enchaînent, parfois non. Okay. Mais j'ai vu Jean-Michel courir en haut. Je pense qu'il est parti demander si ça enchaînait ou pas après. Donc c'est soit on coupe, c'est soit la censure, soit... Là, c'est tout doux. Allez, merci de nous avoir écoutés. Merci. Montag pour vous. Salut. Salut à vous. Thank you.